Audiomatique. amorcer la transmission 465 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe Bose, menée par le Britannique Luke Sutherland et la chanteuse danoise Sini Øyrup Villi-Jørgensen. De leur deuxième album intitulé Cassidy et paru en 2001, nous entendions la pièce Wonderland. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste français Yann Tiersen d'assurer la continuité à Audiomatique. Thank you. tighter, smoke detector. All you need to do is protect her, smoke detector. Smoke detector, smoke detector. Blink and bless her, let her rest on them. Ones in order of height, laugh at the blackbirds in the back of the night, give all the favors in your phone, imagine yourself completely alone, sit in the back of the pharmacy slippers, at least I'm not on the roof anymore, in a year or so I hope nobody remembers, there's this run of episodes of my time on the floor, needs recharge, light from the start, won't really reach anything really. Binary capsules of all human culture, history and science and headless sculptures, stories of monkeys and digital religions, like life on the look of the last living picture. Smoke detector, smoke detector. All you need to do is protect her, smoke detector. Smoke detector, smoke detector. Blink and bless her, let her rest. I'll get better, I'll fluff the feathers, I'll punch in the numbers and I'll enter the letters. Why don't you let me lay here and listen to the distant sirens? Wonder why they have a dog in the driver's seat with a red helmet, his head out the window. It's getting closer no matter where we go. Brush your teeth and write your name on the bottom of a brick under the window pane. Through the slush and the ash and the dust for whatever stands out for whatever reason. If it's a laugh or a rush or a remembered feel it. You don't know what it means, but you don't want to leave it. Put it in a plastic bag and put it in a pocket. Hang it on a hanger and put it in a closet. You know where it is whenever you need it. It'll make a good argument. Admit it. You don't know how much I love you. Don't know how much I love you. Do you? Just try to remember the best of us. Just try to remember the best of us. Make a list of your loved ones in order of height. Laugh at the blackbirds in the black of the night. Forgive all the favorites in your phone. Imagine yourself completely alone. Sit in the backyard in my pharmacy slippers. At least I'm not on the roof anymore. A year or so, I hope nobody remembers this run of episodes of my time on the floor. Need to recharge. Light from the stars won't get any reach anything, will it? The binary capsules of all human cultures, science and history and headless sculptures, stories of monkeys and digital religions, like a note on the ankle of a last living picture. You don't know how much I love you. Do you? You don't know how much I love you. Do you? I wonder if they have a dog in the driver's seat with a red helmet. Audiomatic, c'était la formation américaine de National et la pièce Smoke Detector que l'on retrouve sur son 10e album Laugh Track, publié le 18 septembre 2023. Et en premier lieu, c'était l'artiste français Yann Tiersen et sa composition Kerber en version solo piano. Cette version peut se retrouver sur l'album Kerber Solo Piano, qui a été lancé le 15 septembre 2023 et qui regroupe des pièces de l'album Kerber interprétées uniquement au piano. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe américain Explosions in the Sky. Thank you. dream that all of time was running dry, and life was like a comet falling from the sky. I woke so frightened in the dawning, oh so clear. How precious is the time we have here? Are we not wise enough to give all we are? Surely we're bright enough to outshine the stars. But humankind gets so lost in finding its way. When we have a chance to make a difference till our dying day. Audiomatique, nous avons entendu le duo anglais Lamb, qui est originaire de Manchester et formé de Andy Barlow et Louise Rhodes. Nous entendions la chanson Wise Enough, extraite de leur cinquième album, simplement intitulé Five, et qui est paru en 2011. Précédemment à Lamb, il s'agissait du trio allemand Jelka, qui nous offrait la pièce Weltende, tirée de l'album Krieg and Ferien, qui sortira le 27 octobre 2023. Et pour débuter, nous avions droit à Explosions in the Sky, qui nous interprétait la pièce All Mountains de leur 8e et plus récent album End, lancé le 15 septembre 2023. En conclusion de cette transmission 4-6-5 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du groupe américain Blonde Redhead, de son 10e album Sit Down for Dinner, et paru le 29 septembre 2023, nous écouterons la chanson Melody Experiment. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Blonde Redhead et la chanson Melody Experiment. C'était Audiomatic avec les sonoristes.